plus rien, quand on n'a plus rien, quand on n'a plus rien à se dire, quand on n'a plus rien à croire, quand on n'a rien en commun, quand on n'a plus rien, non, rien de rien, quand on n'a plus rien à se dire, quand on n'a plus rien à croire, quand on n'a plus rien, quand on n'a rien en commun. Quand on n'a plus rien, quand on n'a plus rien à se dire, quand on n'a plus rien à croire, quand on n'a rien en commun, quand on n'a plus rien, non, rien de rien.